إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، قد تكلمنا في الخطبة الماضية عن وجوب الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن من لديه الاستطاعة البدنية والمالية فلم يذهب إلى الحج فقد أثم إثما عظيما، وعليه أن يبادر إلى إصلاح هذا الذنب وأن يذهب إلى حج بيت الله الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكرنا أن الراجح من كلام العلماء أن الحج واجب على من يستطيع ذلك على الفور، ولا يجوز له أن يؤجل ذلك بغير عذر شرعي. ثم اعلموا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، واعرفوا لله عز وجل حقه، واقدروه سبحانه وتعالى قدره، فإن الله عز وجل خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم وباعثكم ومحاسبكم على أعمالكم، والله تبارك وتعالى يعلم سركم وجهركم ولا يخفى عليه شيء من أمركم. اعلموا أيها الناس أن الحج من أركان الإسلام، وهو مبنى من مبانيه العظام، شرعه الله تعالى لمصالح عباده ومنافعهم في الدنيا والآخرة. والحج فيه مظاهر كثيرة من مظاهر التوحيد، فالحج في زمانه ومكانه وأعماله شعيرة من الشعائر الكبرى، ومظهر من مظاهر توحيد الله ونبذ الشرك والوثنية، فزمانه من الله تعالى وليس من البشر. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ومكان الحج بقعة مباركة باركها الله عز وجل وفضلها على سائر البقاع، وأمر عباده أن يفدوا إليها من فجاج الأرض حجاجا ومعتمرين وزائرين. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحج أيها المسلمون والمسلمات في أعماله وشعائره مبني على توحيد الله وطاعته، فالحاج يخرج من بلده ويفارق أهله وولده ولا يدري أيرجع إليهم أم يموت بعيدا عنهم، ويحتمل مشقة السفر ومخاطره، ويبذل نفيس المال لا شيء إلا لمرضات الله تعالى، وتلبية لنداء الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل أن يبني بيتا وينادي في الناس بأن يحج إليه. Chers musulmans et musulmanes, nous avions expliqué la semaine dernière l'obligation du pèlerinage, que c'est un des piliers, parmi les piliers de l'islam, et que celui qui avait la possibilité financière et la possibilité physique d'accomplir le pèlerinage, alors cela est un devoir pour lui qu'il doit mettre en pratique sur le champ. Il lui est interdit de retarder son pèlerinage s'il a la possibilité de l'accomplir. Quant à celui qui le retarde, sans raison islamiquement valable, eh bien il encourt un immense châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, craignez Allah azza wa jal et obéissez-lui. Donnez à Allah azza wa jal la valeur qui est la sienne, car Allah azza wa jal est votre créateur et votre pourvoyeur. C'est lui qui vous donne la vie et c'est lui qui vous donne la mort. C'est lui qui vous fera ressusciter et c'est devant lui que vous serez jugé. Allah azza wa jal connaît vos secrets comme les choses que vous faites en public. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous a créés pour l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le pèlerinage est un des piliers de l'islam et un des emblèmes de l'islam. Et Allah azza wa jal a légiféré ce pèlerinage pour le bien de ses serviteurs, à la fois dans cette vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Le pèlerinage est une expression apparente du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage, son lieu et son moment ont été légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. Son lieu ou son moment a lieu pendant des mois bien déterminés, comme l'a dit Allah azza wa jal, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés. Quant au lieu du pèlerinage, il a lieu dans cet endroit béni, dans cet endroit saint qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait prévaloir sur l'ensemble des autres endroits dans le monde. Et Allah azza wa jalla a ordonné aux gens des quatre coins de la planète de se rendre dans ce lieu. Allah azza wa jalla a dit, en parlant de Ibrahim alayhi salam, et lance un appel aux gens pour les inviter au pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Al-Hajj kama akhbart ayyuha al-muslimuna wal-muslimat fihi madahir at-tawhid wa awwal jumlatin yantiq biha al-hajj حال دخوله النسك هي التلبية والتلبية إعلان للتوحيد ونبذ للشرك روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء ذلك في الصحيحين أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية العظيمة هي إهلال بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه وهو يحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حالهم معه. قال جابر رضي الله عنه وما عمل به من شيء, أي وما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. تضمنت هذه التلبية معاني التوحيد والبراءة من الشرك, فإن معناها إجابة لك بعد إجابة, وإجابة خالصة لا شرك فيها. وتضمنت هذه التلبية كذلك حمد الله عز وجل والإقرار بنعمته الظاهرة والباطنة وبأنه عز وجل مالك الملك, وكل ذلك من مظاهر توحيد الله في تلك التلبية المباركة, وهي رد على تلبية المشركين حين كانوا يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. La première phrase que prononce le pèlerin lorsqu'il entre dans son rite, c'est de prononcer la Talbiya. Cette Talbiya qui est une proclamation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et une condamnation du shirk. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit que la Talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de dire « Labbayk Allahumma labbayk ». لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. La talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de dire me voilà ô Seigneur, me voilà, tu n'as pas d'associé, me voilà, en vérité la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté, tu n'as point d'associé. Cette formule de talbiya qui est une proclamation du Tawhid. Jabir radiallahu anhu, lorsqu'il a décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce hadith authentique apporté par Muslim, il dit radiallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une chose sans que nous ayons fait la même. Puis, il a proclamé le Tawhid. Comment a-t-il proclamé le tawhid? En prononçant la talbiya que je viens précédemment de citer. Cette talbiya qui contient l'expression du tawhid et la condamnation du polythéisme. Et sa signification est, nous te répondons, ô Allah, après t'avoir déjà répondu, nous te répondons de façon sincère, sans prendre avec toi d'associer. De même que cette talbiya contient la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'admettre les bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous, que ces bienfaits soient apparents ou cachés, et qu'Allah azza wa jal est celui qui détient toutes choses. Et cette talbiya est aussi une réponse à la talbiya des polythéistes qui eux aussi accomplissaient le pèlerinage mais disaient dans leur formule labbayk la sharika lak, nous répondons à ton appel sans prendre avec toi d'associé sauf un associé que tu possèdes et ceci est le shirk, ceci est le polythéisme, le fait d'adorer Allah azza wa jal, d'adorer autre qu'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أيها المسلمون إذا تأمل المتأمل مناسك الحج والعمرة بأقوالها وأفعالها فسيجد أن لها ارتباطا وثيقا بتوحيد الله فهي أعمال يعملها المسلم انطلاقا من إيمانه بالله وتوحيده عز وجل منذ خروجه من بلده إلى رجوعه بعد أداء مناسكه وإذا بلغ الحاج البيت الحرام استحضر وهو يرى الكعبة أن باني البيت بأمر الله تعالى وهو إبراهيم عليه السلام الذي كان إماما في دعوته إلى الحنيفية والحنيفية هي التوحيد حتى نسبت إليه عليه السلام حيث قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وأمر الله عز وجل عباده باتباعها فقال سبحانه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما يستحضر أن إبراهيم عليه السلام قد شيد البيت على التوحيد كيف وهو من دعا الله عز وجل قائلا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإذا استحضر المسلم هذا المعنى العظيم وهو يرى البيت الحرام لم يشرك مع الله تعالى آلهة أخرى ولذا فإنه يبتدئ طوافه بالبيت بذكر اسم الله تعالى وتكبيره وهذا من إعلان التوحيد في بداية الطواف، وهو يطوف حين يطوف بالكعبة تعظيما لله، لأن الله تعالى جعل الطواف بالكعبة عبادة وقربة بها وقربة يتقرب بها المؤمنون إليه، بل يطوفون بها لأن الله تعالى أمرهم بذلك، وقضى سبحانه وتعالى بأن الطواف بها من شعائره سبحانه ومن مناسك الحج والعمرة التي كتبها على عباده، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذا أيها المسلمون والمسلمات، كان الطواف بها قربة إلى الله، وكان الطواف بأي بناء على وجه التعبد يكون ذلك شركا بالله، فما أعظم هذا المعنى من معاني التوحيد، وقد غفل عنه كثير من الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كما جاء ذلك في سنن أبي داود. ولو فقه المسلمون هذا المعنى العظيم لما كان في كثير من بلاد المسلمين قبور وأضرحة تعبد من دون الله، فيطاف بها وينذر لها ويدعى عندها ويصرف لها ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء، فما أشد غربة التوحيد في كثير من بلاد المسلمين. Et celui qui médite sur les rites du pèlerinage et de la Umra, celui qui médite sur les formules qui sont à prononcer et sur les actes qui sont à accomplir, eh bien, il verra un lien très fort entre ces actes et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le musulman tout d'abord accomplit ses actes, car il a la foi en Allah azza wa jal, et il considère Allah subhanahu wa ta'ala comme sa seule et unique divinité. Le pèlerin, lorsqu'il arrive à la maison sacrée, en voyant la Kaaba, il se remémore que cette Kaaba a été construite par un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été construite car Allah subhanahu wa ta'ala en a donné l'ordre à son prophète et son ami intime, Ibrahim alayhi salam, qui était un guide, qui était un imam dans le tawhid, au point que l'appel au tawhid est porté, ou l'étendard du tawhid est porté par Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jal a fait ses éloges dans son noble livre. Ibrahim était une ummah, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. Et Allah azza wa jal a dit également, on nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim. Suivez donc la religion d'Ibrahim, le pur monothéiste, il n'était point des associateurs. Celui qui voit la Kaaba se remémore que cette Kaaba n'a été érigée et construite que pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré seul, car Ibrahim alayhi salam, qui est le bâtisseur de cette Kaaba, a invoqué Allah azza wa jal en disant: « Oh Allah, fais de cette ville une ville en sécurité et préserve-moi, ainsi que mes enfants d'adorer les statues. » Celui qui se remémore tous ses sens en voyant la Kaaba ne peut adorer une autre divinité avec Allah. Et le pèlerin, lorsqu'il commence à tourner autour de la Kaaba, il commence son tawaf en prononçant le nom d'Allah et en proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une expression du tawhid dès le début du tawaf. Il tourne autour de la Kaaba car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de faire les tournées autour de la Kaaba Et c'est pour les musulmans et les croyants un moyen qui leur permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tournent autour de la Kaaba, car Allah azza wa jal leur a ordonné de tourner autour de celle-ci. Il dit azza wa jal, et qu'ils tournent autour de la maison antique, autour de la maison ancienne. Ainsi, de faire les tournées autour de la Kaaba est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et tout autre édifice autour duquel l'on tourne dans l'intention d'adorer, ceci est considéré comme du polythéisme. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tawaf autour de la maison, les allées et venues entre les monts As-Safa et Al-Marwa, de même que la lapidation des stèles n'ont été instaurées que pour proclamer et pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si les musulmans comprenaient, si les musulmans raisonnaient et réfléchissaient sur tous ces sens immenses que renferme le pèlerinage, eh bien, il n'y aurait pas dans la majeure partie des pays musulmans, il n'y aurait pas là-bas des tombes ou des mausolées qui sont adorés en dehors d'Allah, autour desquels on tourne en dehors de la Kaaba, des tombes et des mausolées pour qui des vœux ou vers qui des vœux sont dirigés, vers lesquels des invocations sont invoquées en dehors d'Allah Azza wa Jal, des tombes et des mausolées à qui l'adoration qui est exclusive à Allah Azza wa Jal a été vouée, comme l'amour, comme le fait d'immensifier, comme la peur et l'espérance. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد وبعد الطواف يرقي الحاج على الصفا ليبتدي سعيه فيعلن فوقه التوحيد لله عز وجل وجبل الصفا كان موضعا لحدث عظيم عقب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوائل دعوته فهو المكان الذي صدع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونادى قريشا حتى اجتمعوا ثم سألهم عن صدقه فشهدوا له بذلك ثم صدع بالحق أمامهم وقذف به باطلهم وأخبرهم أنه رسول من الله جاء لينذرهم وينقذهم فقد جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Un autre acte parmi les actes du pèlerinage, ou un des rites parmi les rites du pèlerinage, qui contient l'expression du tawhid lorsque le pèlerin monte sur le mont Safa pour accomplir les sept allées-venues entre les monts Safa et Al-Marwa, appelés communément As-Sa'i. Le pèlerin, lorsqu'il monte sur le mont Safa, proclame l'unicité d'Allah Azzawajal. Et le mont Safa est un mont dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté peu après qu'il soit devenu prophète. Dans les débuts de l'appel à l'islam, c'est un endroit dans lequel sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté, dans lequel il a appelé à l'unicité d'Allah azzawajal. Il a convoqué Quraysh, puis il les a questionnés et les a ensuite informés qu'il était le prophète d'Allah azzawajal, qu'il était pour eux un avertisseur d'un châtiment douloureux qui les attendait s'ils ne se convertissaient pas à l'islam. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum, a dit, lorsque le verset où Allah azzawajal a dit, est averti, c'est-à-dire, ô Muhammad, les gens qui te sont les plus proches, lorsque Allah azzawajal a ordonné à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de proclamer et d'appeler ouvertement à l'islam, après que l'appel à l'islam ait été fait en secret, le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu sur le mont As-Safa et a appelé les différentes composantes de la tribu de Quraysh en disant « Ô les fils de Fihr, ô les enfants de Adi !» Il les appelait un par un alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'ils se soient regroupés autour de lui. Et l'homme qui ne pouvait pas se rendre directement envoyait un émissaire pour voir de quoi il s'agissait. Est venu assister à cela Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la tribu de Quraysh. Le prophète alayhi salatu wassalam a commencé en leur disant, voyez-vous, si je vous informe qu'il y a des cavaliers qui veulent vous combattre et qui avancent du côté de cette vallée, me croirez-vous? Ils ont dit oui, nous n'avons vu de toi que la vérité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis pour vous un avertisseur contre un châtiment douloureux. Et Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, que tu périsses toute la journée, que tu périsses, est-ce pour cela que tu nous as réunis? Et Allah azzawajal a alors descendu ou a révélé sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux premiers versets de sourate Al-Masad, où Allah azzawajal dit, que périssent les mains d'Abu Lahab, que périssent ni ses biens, ni ce qu'il a amassé ne lui sera d'utilité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il montait sur le mont As-Safa, lorsqu'il accomplissait la Umrah ou le Hajj, proclamait le Tawhid en disant La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Il disait عليه الصلاة والسلام, nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul, sans lui prendre d'associer à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul, c'est lui qui a tenu sa promesse, qui a secouru son serviteur et qui a mis en déroute à lui seul, subhanahu wa ta'ala, les coalisés. Wa sanukmilu inshallahu ta'ala fil jumu'ati al-muqbila mazahira ukhra min mazahir al-tawhid fi manasik al-hajj wal-umrah. Asalullah azza wa jal an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana وأن يجعلنا من الذين يعبدونه عز وجل حق عبادته لا يشركون في عبادته شيئا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه